بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence le cours aujourd'hui, le cours 42 dans l'explication du livre de Qurrat Uyun al-Muwahhidin, le charh de Kitab al-Tawhid avec les commentaires. C'est le charh de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan avec les commentaires de Cheikh Saleh al-Fawzan, hafizallah. Et on est arrivé au chapitre 3 dans ce livre. Et le titre du chapitre, c'est « Babun man haqqaqa at-tawhid dakhala al-jannah bighayri hisab ». C'est-à-dire, celui qui a purifié son tawhid, il rentrera au paradis sans jugement ni châtiment. Et on était en train d'expliquer par rapport à ce chapitre, parce que le cheikh, il a cité au début de ce chapitre, ou dans ce chapitre, deux versets. Le premier verset à propos de Ibrahim alayhi salam, et le deuxième verset, وَهُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ, c'est dans Surat al-Mu'minun. Donc tout ça, on va expliquer le contexte, sauf que avant d'avancer plus dans ça, on continue à partir de l'endroit où on s'est arrêté. Au dernier cours, on expliquait نعم وقوله وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. À propos d'Ibrahim alayhi salam, et parmi le parti de Nuh alayhi salam, il y a Ibrahim lorsqu'il est venu à son Seigneur avec un cœur saint, un cœur propre. Et on expliquait qu'est-ce que ça signifie. Et donc, ensuite de ça, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit « فَهَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمْ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ دَعْوَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَمْ يَكُوا إِذْ ذَاكَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُسْلِمٌ غَيْرُهُ » Il dit ça, c'était Allahu A'lam au début de sa da'wa, au début de la da'wa d'Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il n'y avait personne sur la terre qui était musulman, excepté lui. Il dit, Cheikh Al-Fawzan, à ce sujet-là, « يعني, وإن من شيعته, وهذا في أول بعثة إبراهيم عليه السلام, لم يكن على وجه الأرض من هو على دين نوح غير إبراهيم عليه السلام. وفيما بعد صار المسلمون كلهم من شيعة نوح ومن شيعة جميع الأنبياء. Donc il dit le cheikh que يعني ça c'est-à-dire il était du parti de Nuh alayhi salam, c'était au début de sa da'wa, parce qu'il n'y avait personne sur terre à ce moment-là qui était sur la religion de Nuh alayhi salam, excepté Ibrahim alayhi salam. Et donc, ensuite, il y a eu des musulmans. Et tous les musulmans qui sont venus par la suite sont du parti de Nuh alayhi salam, et du parti de tous les prophètes alayhi salatu wa salam. Ensuite, il dit, نعم وبذلك جاء الحديث. Et c'est dans ce sens-là que la parole a été mentionnée dans le verset. Il dit وقوله ولم يكن من المشركين, c'est-à-dire la suite du verset à propos de Ibrahim, il n'était point du nombre des mushrikin. Il dit وقوله ولم يكن من المشركين فقد فارق المشركين بالقلب واللسان والأركان وأنكر ما كانوا عليه من الشرك بالله وعبادته وكسر الأصنام وصبر على ما أصابه في ذات الله وهذا هو تحقيق التوحيد وهو أساس الدين ورأسه وهو أساس الدين ورأسه كما قال تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأنت تجد كثير من الذين أو ممن يقول لا إله إلا الله ويدعي الإسلام يفعل الشرك بالله في عبادته ويدعو من لا يضر ولا ينفع من الأموات والغائبين والطواغيت والجن وغيرهم ويحبهم ويواليهم ويخافهم ويرجوهم وينكر على من دعا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه ويزعم أن ذلك بدعة وضلالة، ويؤادي من عمل به وأحبه وأنكر الشرك وأبغضه، ومن وبعضهم لا يعد التوحيد علما ولا يلتفت إليه لجهله به وعدم محبته، فالله المستعان. Donc le cheikh il dit, donc Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin du verset à ce sujet là, et juste pour rappeler à propos du verset, c'est le verset 120 dans sourate An-Nahl, وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، il n'était point du nombre des mushrikines. Et il explique, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, qu'il s'est séparé des mushrikines complètement par son cœur, sa langue et son corps. Et il a condamné tout ce qu'il faisait comme shirk avec Allah dans l'adoration. Il a même cassé les idoles que son peuple adorait. Et il a enduré tout ce qui lui est arrivé par rapport à ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Il a enduré pour Allah tout ce qui lui est arrivé comme difficulté ou comme épreuve dans sa da'wah. Et c'est ça qui fait partie de la purification du tawhid. Et c'est le fondement de la religion. Et c'est la tête de la religion. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit à propos de Ibrahim dans le verset 131 dans surat al-Baqarah, et lorsque il dit, et lorsque son Seigneur lui dit Aslim, c'est-à-dire sois musulman, soumets-toi, entre dans l'islam, lui il a répondu Qala aslamtu li rabbil alamin, je me soumets au Seigneur des mondes. Il dit, donc tu vas voir et tu vas trouver que beaucoup de gens, parmi ceux qui disent « La ilaha illallah », ils prétendent l'islam, mais ils font du shirk avec Allah dans leur adoration. Et ils invoquent ceux qui ne peuvent ni leur nuire, ni leur profiter parmi les morts, et ceux qui ne sont pas présents, ou qu'on ne voit pas, parmi les djinns, parmi les diables, parmi les autres choses qu'ils adorent, comme les hommes pieux et les saints qui sont morts et enterrés, et ils les aiment, et ils les défendent, et ils les supportent, et ils les craignent, ils les craignent comme on craint Allah, et ils mettent leur espoir en eux, et ils condamnent toute personne qui appelle à adorer Allah seul, et qui appelle à délaisser l'adoration de tout ce qui est en dehors d'Allah. Eux, ils condamnent ces gens-là. Ils condamnent les gens du tawhid, en fait. Et ils prétendent que d'appeler au tawhid, c'est une bid'a et c'est un égarement. Et ils opposent ceux qui aiment le tawhid et qui l'appliquent et qui aiment le tawhid. Et ils condamnent et ils détestent également ceux qui condamnent le shirk et qui détestent le shirk. Et certains d'entre eux, ils ne considèrent pas le tawhid comme étant même de la science. Ils disent ça, c'est comme si pour eux parler du tawhid, c'est pas de la science, ça, c'est une perte de temps, c'est pas du ilm. Et ils ne donnent aucune importance au tawhid à cause de leur ignorance et parce qu'ils ne l'aiment pas. Allah al-musta'an. Donc il y a des gens comme ça, et on en a vu plein. Des musulmans, ils parlent de toutes sortes d'autres sujets, de politique, d'économie, de société, des problèmes sociaux, de la pauvreté, de la richesse. De toutes sortes de sujets. Après, si tu lui dis, ouais, mais vous ne parlez pas de la chose la plus importante qui est le tawhid, la base de l'islam. Non, non, ça c'est des détails. Ça c'est des détails, ce n'est pas important. Oui, Allah Mustaan, on les a entendus dire ça. Nasrullah al-Afiya. Donc, le cheikh il explique ça, le cheikh al-Fawzan il fait des commentaires sur ces passages-là. Et il dit, ولم يكن من المشركين أي كان مخالفا ومجانبا لهم من جميع الوجوه مقطوع الصلة بالمشركين إلا صلة الدعوة لله عز وجل وإنكار المنكر أما صلة المحبة والمودة فهو كان قد تبرأ حتى من أبيه واتخذه عدوا وهو من أقرب الناس إليه قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا دين إبراهيم عليه السلام مع أبيه ومع أقرب الناس إليه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. Donc le sheikh il explique la signification du fait que Ibrahim, Allah dit à son sujet qu'il n'était point du nombre des mouchriquins, et il dit, c'est-à-dire il contredisait et il s'écartait complètement et sur tous les plans des mouchriquins, et il coupait complètement toute relation avec les mouchriquins excepté la relation de la da'wa à Allah, hein? Parce que ça c'est une chose importante. Si par exemple tu dis oh, moi je veux rien savoir des mouchriquins et je veux pas être avec les mouchriquins et je m'éloigne des mouchriquins et je m'écarte des mouchriquins et je déteste les mouchriquins, mais en même temps tu leur fais pas de da'wa, là il y a un problème, hein? Parce que là ça veut dire que tu fais pas ton devoir, ton obligation qui est d'appeler les gens au tawhid et à l'islam. Donc c'est vrai que tu dois te désavouer des mouchriquins et des kuffars, mais avant tout, et une chose des plus importantes, même si tu les détestes et que tu t'écartes d'eux, hein, dans ton cœur, eh bien, tu dois toujours te rappeler que la priorité aussi, c'est de les inviter à Allah et de les inviter au tawhid et de les appeler à l'islam. Hein? Donc, c'est ça que le cheikh il explique ici. Il coupait complètement les relations, toutes les relations avec les mouchriquins, excepté la relation de la da'wa à Allah et de condamner le mal, hein, et d'interdire ce qui est mauvais. Tandis que la relation de l'amour et de l'affection et de toutes ces choses-là, il s'en est désavoué, même avec son père. Hein? Et il l'a pris comme un ennemi, alors que c'est la personne la plus proche des liens qu'il a, avec qui il a des liens de parenté. Et il dit à ce sujet-là dans le verset 4, dans Surat Al-Mumtahana, il y avait certes pour vous un exemple, un bon exemple, dans Ibrahim. Et si vous souvenez le cours d'arabe en passant, hein, on expliquait Asma al-Ajam, hein, et on disait que il est mamnou' min as-sarf. Et donc s'il y a ici par exemple devant Ibrahim il y a un harf jar fi, et pourtant il prend une fatha parce que al-mamnou' min as-sarf, quand il est majrour, il prend une fatha, hein. Il prend une fatha au lieu d'une kasra. Et c'est ça ici, la règle, elle est claire. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. Donc il y a un bon exemple à suivre dans la personne d'Abraham et ceux qui sont avec lui, parmi les croyants, lorsqu'ils dirent à leur peuple, hein, إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ. C'est-à-dire, nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Kafarna bikum inna bura'a minkum mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum, nous vous renions. Wa bada baynana wa baynakum al'adawa, et entre vous et nous il y a une animosité et une haine qui vient d'apparaître et qui ne cessera jusqu'à ce que vous croyez en Allah. Hein? Allah seul. Hatta tu'minu billahi wahda. Donc c'est ça al-wala wal-bara, le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah, d'aimer pour le tawhid et de détester pour le tawhid. Hein? Et donc, si quelqu'un accepte le tawhid, on l'aime pour Allah. Si quelqu'un rejette le tawhid, on le déteste pour Allah. Hein? Et il dit, ça c'est la religion d'Abraham. C'est la religion d'Abraham avec son père. Et ça réfute les gens aujourd'hui parmi les égarés qui prétendent, hein, aimer les juifs et les chrétiens, et puis après ils disent ils sont tous sur la religion d'Abraham. Ibrahim alayhi salam, il condamnait le shirk et il détestait le shirk et les mouchriquins. Donc comment ils peuvent prétendre, ces gens-là, que le fait d'aimer les juifs et les chrétiens, ça fait partie de la religion d'Abraham? A'ouzou billah. Jamais. Ibrahim n'a rien à voir avec ces gens-là. Ibrahim n'a rien à voir avec ces gens-là parce qu'ils font du shirk et du kufr. Donc, ça, c'est la religion d'Abraham. Al-wala wal-bara, al-hubbu fillah wal-burdu fillah. Même avec son propre père qui était parmi les gens les plus proches de lui. Et il dit, yani, donc, ça, c'est malgré que on sait que nos parents, même s'ils sont des mushrikines, on a le devoir de leur obéir dans le bien, d'être bon avec eux, d'avoir un bon comportement, et ainsi de suite. Sauf que on les déteste pour Allah dans notre cœur parce qu'ils font du shirk. Hein? Mais ça, c'est quelque chose qui est très important de comprendre. Le fait qu'on les déteste pour Allah, ça ne veut pas dire qu'on va se permettre de les contredire dans le bien ou de leur manquer de respect ou de leur désobéir dans qu'est-ce qu'ils nous ordonnent qui n'est pas contraire à l'islam. D'accord? Donc ça, c'est très important. Puisque Allah subhanahu wa dit, donc Allah subhanahu wa dit, Allah il a enjoint le bon comportement vers les deux parents. Et s'il te force à associer quoi que ce soit avec moi, ce dont tu n'as aucune connaissance ou aucun savoir, alors ne leur obéis pas dans ça. Mais sois un bon compagnon pour eux dans cette dunya. C'est-à-dire, tu dois agir bien avec eux et les traiter avec respect et avoir de la gentillesse pour eux et les aider et les servir et leur obéir dans tout ce qui est en accord avec l'islam. S'ils t'ordonnent de faire le shirk ou un péché quelconque, tu dis non, je ne peux pas obéir dans ça. Hein? Mais tu les détestes pour Allah parce qu'ils font le shirk. Hein, tu les détestes pour Allah parce qu'ils font le shirk. Et il dit, c'est ça, donc la religion d'Abraham. Et il dit, yani, dans le verset 4, dans Surat al-Mumtahana, il y a une exception qui est mentionnée. C'est Illa qawlu Ibrahim, Illa qawlu Ibrahim li abihi, wa qawmi, Illa qawlu Ibrahim li abihi, la astaghfiranna lak. Hein? Donc, excepté lorsqu'il a dit à son père, je vais demander pardon pour toi. C'est ça l'exception qui est mentionnée dans le verset par rapport à la bonne exemple. Et l'explication de ça, c'est que Ibrahim avait demandé ou avait promis qu'il allait plutôt demander pardon pour son père. Et Allah nous a interdit de demander pardon pour les mushrikines, hein, s'ils meurent sur le shirk. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que il dit dans le verset 114 dans Sourate At-Tawba, la demande de pardon de la part d'Abraham pour son père n'était que basée sur une promesse qu'il lui avait faite. Mais une fois que il est devenu clair pour lui que son père était un ennemi d'Allah, il s'est désavoué de lui. Hein? Certes, Abraham était un repentant et plein de. Yani, il était aussi. Compatissant. Donc, pour dire que Ibrahim alayhi salam, il a pas, quand il a demandé pardon pour son père, cet exemple-là, ça fait partie de l'exception qu'on ne doit pas suivre, parce que c'était quelque chose qu'il avait promis de faire. Et il a promis qu'il allait le faire, il l'a fait, mais ensuite il s'est désavoué de lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit de ne pas prendre cet exemple-là comme un exemple, de ne pas prendre cette action-là comme un exemple, c'est l'exception dans ça. Après, le cheikh, il explique, cheikh Al-Fawzan, lorsque Ibrahim alayhi salam, il a condamné le shirk, hein, tous ceux qui adoraient avec Allah des idoles, ou qui offrait des adorations à autre qu'Allah, il se désavouait d'eux. Il a même cassé les idoles avec sa main. Et le cheikh, il dit, وَلَمَّا ذَهَبَ قَوْمُ إِبْرَاهِيمَ إِلَى عِيدِهِمْ اعْتَذَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الذَّهَبِ وَتَعَلَّلَ بِأَنَّهُ مَرِيضٌ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَلَمَّا ذَهَبُوا إِلَى عِيدِهِمْ وَفَرِغَتِ الْأَصْنَامُ ذَهَبَ إِلَيْهَا وكسرها بيده فمن يجرأ على هذا بين أمة ظالمة غاشمة وكسر أعز شيء عندهم وهو الأصنام. ما يجرأ على هذا إلا أهل الإخلاص وأهل اليقين بالله عز وجل، وهو يتوقع ماذا سيكون منهم، ولكنه صبر في ذات الله عز وجل فكانت العاقبة له. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ولكن متى هذا؟ بعد الصبر وتحمل المشقة ونال هذه المرتبة. Donc le Cheikh il explique, il dit que lorsque le peuple d'Abraham sont partis pour aller dans leur fête, il y avait une fête qui était organisée, et lui, Ibrahim, alayhi salam, il a dit, je suis malade. Donc il s'est excusé de ne pas y aller. Hein? C'est ça qu'on expliquait hier. Tu étais là hier soir, non? Tu n'es pas ok. On a parlé de ça dans le cours de Aqidat al-Sunnah. Donc il s'est excusé qu'il était malade. فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. Alors, eux, ils sont partis à leur fête et ils ont laissé les idoles toutes seules. Alors, Ibrahim, alayhi salam, il est parti là-bas et il les a cassées. Il a cassé les idoles avec sa main. Il est allé vers les idoles puis il les a cassées avec sa main. Et il dit, et qui oserait faire une chose comme ça dans un peuple ou une nation qui est injuste, hein? Il a cassé la chose la plus chère pour eux. C'est les idoles. Hein? Donc il dit, il n'y a personne qui ose faire une chose pareille, excepté quelqu'un qui fait partie des gens de la sincérité et qui ont une certitude en Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors qu'il sait que du moment qu'il casse leurs idoles, il va devoir subir des épreuves difficiles pour ça. Hein? Mais il est patient et il a été endurant dans ce qu'il a dû affronter pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une belle fin. Donc, parfois, quelqu'un va faire des choses pour Allah et dans la religion d'Allah, dans les limites de qu'est-ce que Allah a ordonné et permis. Selon sa capacité. Tu ne vas pas faire des choses, tu sais que tu ne seras pas capable de supporter l'épreuve. Sinon, tu te mets dans une situation où tu risques d'être éprouvé dans ta religion. Mais lorsque quelqu'un est déterminé et sincère et qu'il est convaincu en Allah, hein, et qu'il est endurant et patient et fort dans sa foi, comme Ibrahim alayhi salam, il n'avait pas peur. Hein? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 98 dans Surat As-Saffat, alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous dîmes au feu, soit frais et kuni bardan wa salaman, frais paisible, oui, ou bon pour Ibrahim. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne au feu au moment où, parce que eux, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont vu que Abraham avait brisé leurs idoles, eux, ils se sont mis en colère par rapport à ça. Et ils ont donc ordonné de brûler Ibrahim vivant, imaginez. Hein? Pour leurs idoles, ils vont même brûler un homme vivant à cause de ça. Quelque chose qui n'a même pas de valeur. Yani. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, eux, ils ont pris le feu était tellement grand, ils ont pris une catapulte pour le jeter dans le feu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, il a ordonné au feu, justement, d'être doux et d'être frais pour Ibrahim. Et donc, dans le verset 98, ils voulurent lui jouer un mauvais tour, mais ce sont eux, hein, que nous mîmes à bas. Hein? C'est ça. Donc ils disent dans verset 98 dans As-Saffat, mais c'est pas dans As-Saffat ça. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaydan faj'alnahum al-asfalin. Ah oui, c'est ça. Donc c'est dans sourate As-Saffat, effectivement. Mais qu'est-ce qui est bizarre, c'est que dans la traduction, ils n'ont pas traduit ce verset-là. Ça, c'est vraiment étonnant, subhanallah. Parce que le verset 98, en arabe, on le voit clairement. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. Ah oui, c'est ça. Donc, ça c'est la فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. Ça c'est l'autre verset. Donc, il n'y a pas ce. Ah oui, non. Donc, c'est pas ce verset-là du tout, en fait. Il y a souvent dans cette. J'ai remarqué dans cette édition, il y a souvent des. Des, les numéros, le numérotage des versets est souvent erroné. Oui, le verset 69. C'est ça. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Non. Donc c'est ça les deux versets 69 et 70. Nous dîmes au feu, soit pour Abraham une fraîcheur salutaire. Voilà comment ils l'ont traduit. C'est pas vraiment ça les deux termes. La fraîcheur oui, mais salutaire, salaman, salutaire. Ils ont traduit salutaire, salam, salutaire. Ala kulli hal, salam, ça veut dire que ça lui a pas fait de mal, ça lui a pas causé de tort, yani. Et il dit, ils voulaient ruser contre lui, mais ce sont eux que nous rendîmes les plus grands perdants. Non. Donc il dit, walakin mata, quand est-ce que quelqu'un est capable de faire ce genre de choses, et quand est-ce qu'il est capable de recevoir une aide comme ça de la part d'Allah. Il dit, ba'da sabr, après la patience et l'endurance, wa tahammul al-mashaqqa, et d'être capable de supporter la difficulté, hein, nala hadhihi al-martaba, il a atteint ce degré. Hein. Donc Ibrahim alayhi salam, il a atteint son degré dans la foi, dans la piété, dans l'exemple le statut que Allah lui a donné, c'est par son endurance et sa force et sa patience. Ah, tu voulais dire quelque chose? Ah, ok, d'accord. Eh bien, Ibrahim, alayhi salam, déjà, c'est un prophète d'Allah. Et, yani, Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah lui ordonne ou lui indique, il lui guide, le guide vers les bonnes décisions et les bonnes choses. Et il était le seul musulman sur la terre à son époque, comme on l'a dit. Et il n'y a personne à cette époque-là qui était croyant autre que lui. Donc la situation était différente. Et. Même à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas détruit les idoles au début de sa da'wa. Pendant les 13 années qu'il était à Mecca, il n'a pas détruit les idoles, alors qu'il y en avait plus que 360 autour de la Kaaba. Il les a pas détruites. Et une des raisons pour ça, c'est qu'il savait très bien que si il avait porté atteinte aux idoles, hein, au début de la da'wa, eh bien, ça aurait été quelque chose qui allait être trop dur à supporter, ou probablement que ça allait être une trop grande épreuve, surtout que les croyants, ils étaient faibles au début. Et lorsque par la suite il est revenu de Médine, il est revenu avec un grand nombre de croyants et il a conquis la Mecque. La première chose qu'il a faite lorsqu'il est descendu de sa monture, c'est qu'il a pris un bâton et qu'il a brisé les idoles. D'accord? Et donc, une des règles et un des principes qui est établi dans l'islam, c'est que lorsque quelque chose, tu sais que ça va amener un plus grand mal, si tu le fais, eh bien, dans ce cas-là, tu dois t'abstenir de le faire. Hein? Tu repousses le mal, hein? Tu endures un mal pour en éloigner un plus grand. Et on sait que, par exemple, d'insulter les statues des idoles et de les dénigrer et de les insulter, c'est une obligation dans l'islam. On doit dénigrer les idoles et tout ce que les mouchriquins adorent en dehors d'Allah. Sauf que si on sait que en insultant leurs idoles, eux, ils vont insulter Allah, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran de ne pas le faire. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, n'insultez pas les idoles, parce que eux, les mouchriquins, ils vont insulter Allah par ignorance. Hein? Donc, il y a des règles par rapport à ces questions-là dans l'islam. Et les ulama, ils disent, si tu sais que, par exemple, tu vas détruire les idoles, puis que ça va causer plus de tort ou plus de mal, alors dans ce cas-là, tu ne le fais pas. Hein? Et lui, Ibrahim, alayhi salam, il a su que il allait, s'il brisait les idoles, c'est sûr qu'il y allait avoir une épreuve. Mais lui, il a compris que il était prêt à endurer et à supporter cette épreuve-là et cette difficulté-là. Et que ça allait être une cause pour établir et montrer la vérité. Hein? Parce que lui, il voulait établir la preuve contre eux. Et en plus, il n'a pas détruit toutes les idoles, il a laissé une, hein? La plus grande. Et la raison pour ça, c'est pour établir la preuve contre eux encore plus, hein? Que Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique. Hein? Dans le sens que il leur a dit, c'est comme pour leur dire, regardez, c'est la plus grande qui a cassé les autres. Hein? Pourquoi? Parce que en réalité, eux, ils étaient intelligents, ils auraient compris que s'il y a plusieurs divinités, eh bien, il y en aurait toujours une qui voudrait avoir le contrôle et le pouvoir sur les autres. Hein? Donc, ça ne se peut pas qu'il y en ait plusieurs. Et lui, c'est ça qu'il a voulu leur montrer, que la plus grande, c'est elle qui a cassé les autres. Hein? Alors, d'un côté, il leur montre une preuve pour le tawhid, et en même temps aussi, il leur montre une autre preuve, c'est que la statue peut rien faire. Donc, eux, ils ont dit, mais tu nous prends pour qui là? Tu nous prends pour des abrutis ou quoi? Hein? Et Ibrahim, en faisant ça, c'est comme s'il disait, oui, effectivement, c'est pas je vous prends pour des abrutis, vous êtes des abrutis, parce que comment vous pouvez adorer quelque chose? Hein? Vous savez très bien qu'elles ne parlent pas, qu'elles n'entendent pas, qu'elles ne voient pas, qu'elles ne peuvent même pas bouger, qu'elles ne peuvent pas se défendre, qu'elles ne peuvent pas amener un bien ni repousser un mal pour elles-mêmes. Alors pourquoi vous les adorez dans ce cas-là? Et donc, en disant c'est cette idole-là qui a cassé les autres, hein, eux tout de suite, ils n'ont plus d'arguments. Et c'est pour ça qu'ils ont été vraiment fâchés et en colère contre Ibrahim alayhis salam. Donc, si aujourd'hui, par exemple, quelqu'un il a un pouvoir, une autorité, et qu'il sait qu'il va détruire les idoles ou détruire les tombeaux qui sont adorés en dehors d'Allah, et qu'il a une autorité pour le faire, et qu'il n'y a pas un tort qui va lui arriver à cause de ça, qui est trop grand, alors dans ce cas-là, oui, il n'y a pas de mal de le faire. Mais s'il sait que il va le faire et puis que ça va ramener plus de tort et plus de mal, et qui n'a pas de force ni d'autorité. Quand il va faire ça, peut-être que yani, ça va être reconstruit tout de suite après. Hein. Tu vas le détruire, tu vas détruire l'idole, eux ils vont la reconstruire. Hein? Ça a servi à rien. Donc dans ce cas-là, c'est pas la sagesse de faire ça. Donc il faut voir en fait le bien qui va en découler tout ça. Et est-ce que ça va causer plus de tort ou est-ce que ça va ramener plus de bien? Et c'est pour ça qu'il faut toujours demander au ulama avant de faire ce genre de choses-là. Si tu sais que ça va causer du tort et que ça va ramener du mal et que ça va faire de la fitna et que ça risque de te causer du trouble même dans ta religion, alors fais attention dans ce cas-là. Hein, fais pas des choses comme ça si tu sais que ça risque de t'amener du mal. Et les ulama, ils ont parlé à ce sujet-là aussi à notre époque et ils ont dit que ça devrait être les dirigeants qui font ce genre de choses. Ça devrait être les dirigeants musulmans qui fassent ce genre de choses et non pas des individus. Parce que si toi tu le fais dans un pays où il y a des choses comme ça et que tu vas aller pour le détruire tout seul toi-même, eh bien le mal qui va te découler, qui va découler de toi, ou bien qui va venir sur toi à cause de ça, ça va être une épreuve pour toi dans ta religion. Tu risques à cause de ça d'avoir des ennuis. Puis ça là, c'est dangereux. Il y a des gens qui ont eu des ennuis dans la religion ou à cause de la religion et ils n'ont pas été comme Ibrahim. Ils n'ont pas été capables d'être patients et d'être endurants. Alors, au lieu de les élever, ça les a rabaissés. Hein? Donc, sois certain que si tu décides de faire quelque chose pour Allah et pour sa religion dans les limites de qu'est-ce que Allah a permis et légiféré, selon le Coran et la Sunna et la compréhension des salafs, et que par la suite tu es éprouvé dans ça, alors sois certain que tu dois faire preuve de patience et d'endurance et être ferme jusqu'au bout. Parce que si tu n'es pas ferme jusqu'au bout et si tu n'es pas patient et endurant, eh bien ensuite ça risque de retomber contre toi. Et ça peut être une des causes qui fait que par la suite tu t'égares de la religion. Hein, à cause d'une humiliation qui te touche ou des choses comme ça, et que tu n'es pas capable de l'endurer. Donc il faut être patient. Et ensuite, le cheikh, il dit, par rapport à ça, il dit, donc il dit, et c'est ça la purification du tawhid et la base de la religion et sa tête. Cheikh Al-Fawzan, il dit, وعلى منهجه الذي سار عليه رسوله صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فبيننا فنبينا صلى الله عليه وسلم بعثه الله بإحياء ملة إبراهيم عليه السلام وإعادتها. Donc le cheikh il dit que ça c'est ce que Ibrahim a fait, c'est la base du tawhid et c'est la purification du tawhid. Donc celui qui veut purifier le tawhid, qu'il suit la religion d'Abraham et qu'il avance sur sa voie et qu'il soit sur sa voie et sur son chemin. Sur le chemin qu'a suivi le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de suivre la religion d'Abraham. Il a dit, et nous t'avons révélé de suivre la religion d'Abraham et d'être un hanifan, hein, d'être hanif, c'est-à-dire de faire partie de ceux qui penchent naturellement vers l'adoration d'Allah seul et qui s'écartent naturellement du shirk et des idoles et de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et il n'était point du nombre des mushrikines, il n'était point du nombre de ceux qui donnent des partenaires à Allah dans l'adoration. Donc, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a envoyé dans le but de faire revivre la religion d'Abraham et de la ramener. Ensuite, le cheikh il explique en citant le verset dans Surat al-Baqarah, le verset 131. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Quand son Seigneur lui dit soumets-toi, hein, sois musulman, sois musulman, deviens musulman. Aslim, c'est le fi'l amr, c'est le verbe impératif de aslama yuslimu. Hein, aslim. Et il répond, il dit aslamtu. قال أسلمت لرب العالمين. Je me soumets au Seigneur des mondes. Et le cheikh, il explique et il dit « Al-Islam ma'nahu al-istislam wal-inqiyad. Aslama ay istaslama wanqadda li rabbik. Wanqud li rabbik. » Donc le cheikh, il explique que l'islam, ça veut dire en arabe « al-istislam », c'est-à-dire le fait de se soumettre. « Wal-inqiyad », l'obéissance et la soumission. Il y a des égarés à notre époque, hein, parmi les gens de la passion et des désirs qui essaient maintenant de nier que l'islam c'est la soumission. Et il y a des groupes comme ça qui disent non, l'islam c'est il n'y a pas d'obligation dans l'islam, tout le monde fait qu'est-ce qu'il veut, hein, ou tout le monde il adore pas, on n'adore pas Allah parce que c'est obligatoire de le faire, on adore Allah parce qu'on a un besoin puis parce qu'on veut le faire. Hein? Et l'islam c'est pas la soumission, hein? L'islam c'est pas la soumission, c'est la paix soi-disant. Et c'est comme ça qu'ils déforment l'essence de la religion. Et yani, c'est normal que ces gens-là ils disent ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'ils veulent adorer Allah selon leurs désirs. Donc en réalité, nous on sait qu'un musulman, si il est musulman, il doit se soumettre à Allah. Il a soumis son âme à Allah et il doit soumettre son corps à Allah. Et il ne peut pas suivre ses passions et ses désirs. Il doit rester dans les limites de ce que Allah lui a légiféré. Mais les gens de la passion et des désirs, eux, ils veulent faire comme ils veulent. Ils veulent pas croire en Allah tel que Allah s'est révélé lui-même. Comment il a parlé de lui-même dans sa révélation. Ils veulent croire à Allah selon leurs passions et leurs désirs. Et ils veulent en même temps aussi une religion qui est en accord avec leurs passions et leurs désirs. Donc c'est comme si, en réalité, ils ne veulent pas l'islam. Ils veulent autre que l'islam. Et quand ils ont trouvé dans le Coran et dans la Sunna, il y a des enseignements et des principes et des règles qui sont en contradiction avec leurs passions et leurs désirs, alors ils ont voulu se créer un islam à eux selon leurs passions et leurs désirs, mais qui est en contradiction avec le Coran et la Sunna. Donc c'est pour ça que ces gens-là, ils sont en guerre maintenant contre la Sunna. Et ils ne veulent pas accepter la Sunna. Et ils ne veulent pas non plus suivre les imams des salafs et les ulama de la umma. Donc ils disent, nous, on ne veut pas suivre aveuglément, hein, soi-disant, les savants. Et qu'est-ce que les savants ont dit dans le passé? On ne veut pas suivre aveuglément. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là en réalité? C'est qu'ils ne font pas la différence entre le fait de suivre la vérité et de faire qu'est-ce qu'on appelle en arabe « at-taqlid », le fait de suivre aveuglément. Parce que quand on suit le Coran et la Sunna, on ne dit pas qu'on fait le taqlid du Coran et de la Sunna. Parce que le terme taqlid, ça veut dire de suivre quelque chose sans preuve. Hein? De suivre une position de quelqu'un, une opinion de quelqu'un, sans connaître sa preuve. C'est ça le taqlid. Eux, qu'est-ce qu'ils veulent dire, hein? C'est en réalité, ils essaient de faire croire ou de prétendre que eux, ils ne veulent pas faire de taqlid, donc ils ne veulent pas suivre les ulama. Hein, et ils ne veulent pas suivre la voie des sahaba. Et en réalité, ils ne veulent pas non plus suivre le Coran et la Sunna. Et ils prétendent que ça signifie de ne pas faire le taqlid. Alors qu'en réalité, hein, ils suivent leur passion. Ils font le taqlid de leur passion. C'est ça la vérité. Donc ils ne veulent pas faire le taqlid, dans le sens qu'ils ne veulent pas suivre le Coran et la Sunna. Donc qu'est-ce qu'ils font à la place? Ils font le taqlid de leur hawa et du shaitan. Hein? Et ils prétendent qu'ils se libèrent du taqlid. Allah al-Musta'an. Donc, ils s'éloignent du suivi de la révélation et ils tombent dans la pire forme de taqlid, qui est le taqlid du shaitan et le taqlid de la passion et de leur désir. Nasallallahu al-afiyah. Après, le shaykh, il dit « Wa anta tajid كثير تجد أكثر من يقول لا إله إلا الله ويدعي الإسلام يفعل الشرك بالله في عبادته. Il dit, tu trouves que parmi les gens, hein, parmi les gens qui disent la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et qui se disent musulmans, qui disent appartenir à l'islam, et qui font du shirk avec Allah dans leurs adorations. Hein, c'est grave. Si tu regardes sur Terre, par exemple, on dit qu'aujourd'hui le nombre des musulmans est à peu près de 1 milliard. 1 milliard de musulmans sur Terre. Parmi tous ces milliards de musulmans, est-ce que vous pensez que parmi ces milliards, ils ont compris et établi et purifié leur tawhid? Hein? Évidemment non. Et c'est ça que le cheikh est en train d'expliquer. C'est impossible que si sur Terre il y a 1 milliard de musulmans, que les musulmans soient dans la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. S'ils étaient accrochés à l'islam authentique et qu'ils étaient réellement musulmans comme Allah veut qu'ils soient musulmans. Hein? Donc, c'est pour ça. Donc, à l'islam, ma'nahu l'istislam ou l'inqiyad. La signification de l'islam, c'est à l'istislam ou l'inqiyad. La soumission et yani al-inqiyad, c'est la soumission aussi. Les deux, c'est des synonymes. Et en islam, nous, on est des esclaves. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle des esclaves. Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle ses messagers des esclaves. Hein? Et il appelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam son esclave. Hein? Alors, celui qui dit non, dans l'islam, il n'y a pas d'obligation, on n'est pas obligé de rien faire, c'est tout ce qu'on fait par notre propre gré, parce qu'on aime, et on n'est pas soumis, il n'y a pas de soumission. Hein? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Pourquoi Allah il appelle tous ses serviteurs, il les appelle ses esclaves? On est des esclaves d'Allah. Hein? Non, c'est de l'orgueil, at-takabbur, c'est de l'orgueil de leur part. Donc ça, c'est la preuve que ces gens-là, ils n'ont rien à voir avec l'islam. Donc ils ont des mouvements. Maintenant, ils sont en train de travailler pour ça. Il y en a des mouvements comme ça. Il y en a qui appellent, soi-disant, une voie pour un islam éclairé. Ils appellent ça une voie pour un islam éclairé. Comme si l'islam n'était pas déjà éclairé. Ils ont besoin, eux, de l'éclairer. Avec quoi ils vont l'éclairer? Avec la bid'a, avec l'égarement, le shirk et le kufr. Hein? Et un autre mouvement qu'ils ont inventé aussi, une voie pour faire revivre la religion des Mu'tazila ou la secte des Mu'tazila, ils veulent la faire revivre, hein? Soi-disant pour ramener la raison, hein? Allah al-Musta'an. Et un autre exemple qu'ils ont inventé aussi, l'islam, la fondation pour l'islam de France, ils pensent qu'ils vont inventer un islam qui respecte la laïcité, puis les lois de la France, puis les croyances de la France. Tout ça, c'est des aberrations et des folies et des contradictions avec l'islam. Alhamdulillah. Nos ulama les ont réfutés depuis des siècles, ces gens-là. Donc, ils ne vont pas... Ils ne vont pas avoir de succès dans leur tentative. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a garanti l'échec et l'humiliation dans cette dunya et dans l'au-delà. Hein? C'est une question de temps. Donc, aslam, hein? Aslim, ça veut dire istaslim wanqad li rabbik. Soumets-toi et obéis, hein, à ton Seigneur. Et il dit وَهَذَا لَمْ يَسْتَسْلِمْ لِلَّهِ. Donc il dit celui qui n'a pas accepté le tawhid, celui qui a dit la ilaha illallah, qui prétend être musulman mais qui fait du shirk dans son adoration avec Allah, eh bien lui, il ne s'est pas soumis à Allah. هذا لم يستسلم لله. وإن قال إنه مسلم بلسانه ولكن أفعاله تكذبه. يقول أنا مسلم أو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم لا يذهب يدعو ثم يذهب يدعو ويستغيث بغير الله ويتعبد الله بالبدع والخرافات. هذا ليس صادقا فيما يقول. Donc le cheikh il dit, celui qui dit la ilaha illallah et qui dit qu'il est dans l'islam mais qu'il adore d'autres avec Allah et il fait le shirk dans son adoration, eh bien c'est pas soumis à Allah. Hein? Il dit, même s'il dit qu'il est musulman avec sa langue, ses actions contredisent ce qu'il dit. Il dit qu'il est musulman, il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, puis après il s'en va pour invoquer et appeler d'autres que Allah et adorer d'autres que Allah, ou bien adorer Allah avec des innovations et des superstitions. Il dit, celui-là, il n'est pas sincère dans qu'est-ce qu'il prétend et dans qu'est-ce qu'il dit. Et Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit, ils invoquent ce qui peut ni leur nuire ni leur profiter parmi les morts et les absents et les diables et les djinns et autres. Et il les aime et il les défend et les supporte. Il les craint, il a l'espoir en eux, et il condamne ceux qui appellent au tawhid et à l'adoration d'Allah seul, et qui appellent à abandonner l'adoration d'autres que Allah. Hein? Et ils prétendent que ça c'est une innovation et de l'égarement. Tout ça on l'a expliqué tout à l'heure. Après le cheikh il explique l'autre verset. Cheikh Abdurrahman ibn Hassan il dit وقول الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إلى قوله والذين هم بربهم لا يشركون. C'est les versets 57 à 59 dans sourate Al-Mu'minun. Ça c'est les autres versets que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité. Donc on va, qu'est-ce qu'on va faire? On va les lire ensemble. Puis après, on va les lire l'explication, Inch'Allah. Donc, les versets 57 à 59. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ces versets. إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ والذين هم بربهم لا يشركون. Donc c'est ça. Il y a toute une énumération de différentes caractéristiques que le cheikh a mentionné ici. Ça veut dire dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ceux qui de la crainte de leur Seigneur sont pénétrés, ceux qui croient aux versets de leur Seigneur et qui ne font pas de shirk. Hein, avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'associent rien avec leur Seigneur. Donc qu'est-ce que ça signifie ces versets? Le Cheikh Al-Fawzan il explique. Il dit qala al-Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah wa qawlu Allah ta'ala walladhina hum bi rabbihim la yushrikun fi tahqiq at-tauhid لأن أعظم أنواع التوحيد أو لأن أعظم أنواع تحقيق التوحيد تصفيته وتخليصه من الشرك الأكبر والأصغر. وقد ذكر الله عز وجل في الآية صفات عظيمة فقال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فذكر أربع صفات. Donc wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc le cheikh il explique que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il a mentionné la parole d'Allah azza wa jal lorsqu'il dit ceux qui de leur Seigneur avec leur Seigneur ne font pas de shirk. hein, ils ne font pas du shirk. Il l'a mis dans le chapitre, celui qui a purifié son tawhid. Hein? Et il dit parce que une des plus grandes formes de purification du tawhid, c'est de purifier notre tawhid de tout ce qui a rapport avec le shirk, que ce soit du shirk majeur ou du shirk mineur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné dans ces versets des caractéristiques extrêmement importantes. Et parmi ces caractéristiques-là, il mentionne dans les versets 57 à 61 dans Surat al-Mu'minun, certes, ceux qui de la crainte de leur Seigneur sont pénétrés, ceux qui croient sincèrement au verset de leur Seigneur, ceux qui, avec leur Seigneur, ne font pas de shirk, ils n'associent rien avec, hein, avec lui. Et ceux qui donnent ce qu'ils donnent, alors que leur cœur frémisse à l'idée de revenir à Allah, subhanahu wa ta'ala, de revenir à leur Seigneur. Ceux-là sont ceux qui se précipitent vers les bonnes œuvres et qui sont les premiers à les faire. Hein. Ils font la course aux bonnes œuvres. Donc ces quatre caractéristiques sont les caractéristiques de ceux qui purifient leur tawhid. Et la première caractéristique, le shaykh il dit, As-sifatul ula, alladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun, yani khaifun, c'est-à-dire, ils sont remplis de la crainte de leur Seigneur. Yani khaifun, fal mu'minu yakhafu min al-uqubati wa min ghadabillahi, wa la ya'manu min makrillahi ta'ala, فهذا رد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان في القلب وإذا آمن الإنسان فلا تضره معصية فبين الله سبحانه وتعالى في الآية أن هؤلاء مع اجتهادهم في التوحيد والعبادة أنهم خائفون من ربهم وفيه رد على الصوفية أيضا الذين يقولون نحن لا نعبده خوفا من ناره ولا طمعا في جنته وإنما نعبده لأننا نحبه فقط وهذا ضلال فبين الله عز وجل في الآية أن هؤلاء هم أكمل أهل الإيمان ومع هذا هم من خشية ربهم مشفقون ففيها رد على المرجئة والصوفية الذين لا يجعلون الخوف والرجاء من أنواع العبادة. Donc la première caractéristique que le cheikh a mentionné à propos de ceux qui ont purifié leur tawhid, c'est-à-dire qu'il dit qu'ils sont remplis de la crainte de leur Seigneur, pénétrés de crainte de leur Seigneur, hein, mushfiqun, c'est-à-dire ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le croyant, il doit avoir peur du châtiment d'Allah et de sa colère. Et il ne doit pas se sentir en sécurité du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a dans ça une réfutation des gens de l'égarement parmi les murji'ah. Ceux qui disent que la foi est dans le cœur et que du moment que quelqu'un est croyant, eh bien les péchés qu'il commet ne lui font aucun tort. Donc il n'a pas besoin d'avoir peur d'Allah, peu importe le péché qu'il fait. Et il explique ici, Allah subhanahu wa ta'ala explique ici dans ce verset que les prophètes et les messagers et ceux qui ont purifié leur tawhid, malgré tous les efforts qu'ils ont faits dans le tawhid et dans l'adoration, ils ont peur de leur Seigneur, ils sont remplis de ça, hein, ils sont remplis de sa crainte. Et ça c'est une réfutation aussi des soufis, ceux qui disent nous on n'adore pas Allah par crainte ou par peur de son châtiment ou de son feu ou de son enfer. Mais on adore uniquement Allah par espoir en son paradis, hein, ou par amour. On l'adore seulement parce qu'on l'aime seulement et non pas à cause de la peur. Et ça, c'est de l'égarement. Hein, c'est de l'égarement. Et le cheikh, il a clarifié ici que dans ce verset, ceux qui ont complété leur foi, qui ont purifié leur tawhid, hein, malgré leur crainte d'Allah, hein, ils ont peur de lui. Hein, malgré leur piété, ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a donc dans ça une réfutation des soufiyas, une réfutation des murji'ah, ceux qui prétendent ou qui pensent que, hein, la crainte et l'espoir ne font pas partie des adorations qu'on doit avoir envers Allah. La deuxième caractéristique qui est mentionnée dans le verset, الصفات الثانية والذين هم بآيات ربهم يؤمنون يؤمنون بالقرآن جميعه من أوله إلى آخره ولا ينكرون شيئا من ذلك ولا يتعرضون وأعظم ما في القرآن توحيد الله عز وجل بأنواعه الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والأسماء والصفات وأيضا الحلال والحرام والوعد والوعيد والأخبار من الغيوب الماضية والمستقبلة يؤمنون بذلك كله ولا يردون منه شيئا ولا يتوقفون فيه لأنه كلام رب العالمين قال الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه أي ليس محلا للريب والشك والتردد فالمؤمن يؤمن بكتاب ربه سواء عرف معناه أو لم يعرفه عرف الحكمة أو لم يعرفها لأنه كلام الله عز وجل. Donc le cheikh il explique que la deuxième caractéristique c'est que ils sont ceux qui croient en les signes de leur Seigneur. Ils croient en les versets de leur Seigneur, c'est-à-dire les versets du Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il mentionne cette partie du verset et il dit les croyants, ceux qui ont complété et parfait leur tawhid, en commençant par les messagers et les prophètes, ils croient en le Coran en entier, du début jusqu'à la fin, et ils ne renient rien de ce qui est dans le livre d'Allah, et ils ne s'objectent à rien de ce qui est révélé dans le livre d'Allah. Et le plus grand et le plus important de ce qui est mentionné dans le tawhid, dans le Coran, le plus important de ce qui est mentionné dans le Coran, c'est le tawhid d'Allah, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans l'adoration, dans les noms et les attributs, et dans la rububiyya. L'unicité d'Allah dans la rububiyya, dans l'adoration, et dans ses noms et dans ses attributs. Et ça, c'est les trois catégories de tawhid, et c'est le plus important de ce qu'on retrouve dans le Coran. Et également, parmi les choses qu'on retrouve dans le Coran et dans les versets d'Allah, qu'est-ce qui est l'explication du halal et du haram, de savoir qu'est-ce qui est licite et illicite, al-wa'd ou al-wa'id, la promesse et la menace, la promesse de la récompense et la menace du châtiment pour ceux qui désobéissent, wal-akhbar ou anil-ghuyub, et les informations au sujet de l'invisible, hein, et de qu'est-ce qui est qui fait partie du raïb, que ce soit le raïb dans le passé ou dans l'avenir. Et il dit, et les croyants, ces croyants-là, ils croient également en tout cela, et ils ne rejettent rien de cela, et ils s'arrêtent à ce qui est mentionné dans ces versets-là. Hein? Et également, bien entendu, ça comprend, parce que le cheikh dit, parce que ça, c'est la parole d'Allah. Qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran? C'est la parole d'Allah. Et il dit, « ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ » Il dit, ce livre, c'est un livre au sujet duquel il n'y a pas de doute. Donc, il n'y a pas de place pour le doute et l'hésitation dans la révélation d'Allah. Donc, le croyant, il croit en le livre de son Seigneur, peu importe qu'il connaisse sa signification ou qu'il ne la connaisse pas, peu importe qu'il connaisse la sagesse qui est relié à ces versets ou qu'ils ne la connaissent pas. C'est la parole d'Allah et donc il doit y croire et l'accepter. Hein? Et également, bon, le cheikh il l'a pas mentionné ici, mais ça implique également le fait de croire en sa sunna, hein? La sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, parce que la sunna aussi, ça vient d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Yani, wa ma yantiqu anil hawa » إن هو إلا وحي يوحى Il ne parle pas selon la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. Hein? Et donc, ça c'est également parmi les choses qui doivent être acceptées et que le croyant doit croire. Un autre point, le point numéro 3, caractéristique numéro 3, As-sifatu thalitha, wal-ladhina hum li rabbihim la yushrikun. تجنبوا الشرك بجميع أنواعه فصفت عقيدتهم وسلم توحيدهم من أن يخدشه أو يناقضه أو ينقصه شرك أكبر أو أصغر وتوحيد صاف من الشرك. Le Cheikh dit la troisième caractéristique, ceux qui ne font pas de shirk avec leur Seigneur, c'est-à-dire qu'ils s'écartent du shirk dans toutes ces catégories. Hein? Et leur aqidah est purifiée et nettoyée. Et leur tawhid est exempt de tout ce qui peut venir l'affaiblir ou le rabaisser ou le diminuer, que ce soit du shirk majeur ou du shirk mineur. Et tout ce qui vient le détruire ou l'opposer. Donc, ils purifient leur tawhid de tout ce qui diminue le tawhid, ou rabaisse le tawhid, ou affecte le tawhid, ou détruit le tawhid, que ce soit du shirk majeur ou du shirk mineur. Donc, leur tawhid est purifié de toute forme de shirk. As-sifatu rabi'a, wal-ladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila, ay yu'tuna ma ataw min al-a'mal as-salihah al-azimah. ومع هذا لا يعجبهم أعمالهم ولا يستكثرونها وإنما يعتبرون أنفسهم مقصرين في جنب الله عز وجل وقلوبهم وجلة يعني خائفة يخشون أن لا تقبل أعمالهم فهم جمعوا بين العمل وبين الخوف وأن لا يقبل هذا العمل فالمؤمن يقدم الأعمال الصالحة مع الخوف أن لا تقبل بخلاف الذي يدل على الله بأعماله أو يدل على الله بأعماله ويعجب بها نعم ويرى أنه استحق بها الجنة وهو لا يدري هل صحت أو لا هل تقبلت أو لم تقبل أو لم تتقبل وقال الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين فهم جمعوا بين عمل ووجل بخلاف من أمن من مكر الله وأعجب بأعماله أو من تعلق بالرجاء وترك العمل ولهذا سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا تقبل منهم والشاهد من الآية قوله عز وجل والذين هم من ربهم لا يشركون ولهذا اقتصر الشيخ رحمه الله على ذكر هذه الصفة لأنها تفسير تحقيق التوحيد وأنه السلامة من الشرك بجميع أنواعه. Donc la quatrième caractéristique, le Cheikh il dit, et ceux qui donnent ce qu'ils donnent alors que leur cœur frémisse, ils donnent ce qu'ils donnent et ils font ce qu'ils font comme les bonnes œuvres et les œuvres importantes et ils ne se laissent pas éblouir par leurs propres actions. Et ils ne considèrent pas eux-mêmes que leurs actions sont très très nombreuses. Hein? Ils considèrent qu'ils ont des manquements vis-à-vis d'Allah. Et leur cœur frémisse, ils ont peur. Hein? Ils ont peur que leurs œuvres ne soient pas acceptées. Avec tout ce qu'ils ont réuni comme action, ils réunissent toujours l'action avec la crainte que l'action qu'ils ont faite ne soit pas acceptée d'Allah. Donc le croyant, hein, il fait des œuvres parmi les bonnes œuvres, mais il a toujours peur que ses actions ne soient pas acceptées. Contrairement à celui qui fait des actions et qui est ébloui par ses œuvres, hein, et qui est ébloui par ses propres œuvres. Et qui, c'est comme s'il il montre ses actions à Allah, comme si c'était une faveur qu'il faisait à Allah en l'adorant. Hein? Et il est ébloui par ses propres œuvres, et il voit que il est garanti, hein, de mériter le paradis. Il pense que ça y est, il est garanti de mériter le paradis. Et il ne sait même pas que, est-ce que ses œuvres sont valables ou non? Est-ce qu'elles seront acceptées ou non? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 27 dans Surat al-Ma'idah, Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Donc, Allah n'accepte que des muttaqin, ceux qui ont at-taqwa, hein, ceux qui font ce qui est ordonné et qui s'écartent de ce qui est interdit par crainte d'Allah et de son châtiment et par espoir en sa miséricorde et en sa récompense. Donc, ça, c'est, hein, c'est ceux de qui Allah accepte les œuvres, ceux qui ont at-taqwa. Hein? Donc, le cheikh, il dit, ils ont réuni entre les bonnes œuvres et la peur et la crainte. Contrairement à celui qui se sent en sécurité, hein, vis-à-vis du stratagème d'Allah et de la ruse d'Allah, et qui est ébloui par ses propres actions, ou qui s'accroche à de faux espoirs et qui délaisse les actions. Et c'est pour ça que Aïcha radiallahu anha, elle pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos du verset, hein, ceux qui donnent ce qu'ils donnent alors que leur cœur est frémissant, hein, leur cœur frémisse, hein, à l'idée de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle dit, est-ce que ceux-là ce sont ceux qui boivent de l'alcool et qui volent, hein? Donc ils font des actions mais ils ont peur, hein, qu'ils ont peur de retourner à Allah, hein? Est-ce que ce sont ceux-là qui font des péchés, qui boivent de l'alcool et qui volent? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répond, il dit, non, ô fille de As-Siddiq, mais plutôt, ce sont ceux qui jeûnent, qui font la salat et qui donnent en sadaqat, et malgré tout, ils ont peur que leurs œuvres ne soient pas acceptées. Et ça, c'est rapporté par At-Tirmidhi dans son Sunan, et authentifié par Cheikh Al-Albani. En note de bas de page, il y a une question qui a été posée au Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, à propos de Al-I'jab bin-Nafs. Donc, su'ila Cheikhuna, hafizahullah, an Al-I'jab bin-Nafsi fi amali Shay'in min al-ta'at. Hal yadkhulu dhimna da'irat al-shirk? Fa'ajab Al-I'jab bin-Nafsi. والعمل والإعجاب بالنفس والعمل من الكبائر التي تحبط العمل وتبطله ولكنه ليس من الشرك انتهى كلامه. Donc on a posé la question à Cheikh Al-Fawzan, حفظه الله. Est-ce que le fait d'être ébloui par sa propre personne et par nos actions, hein, lorsqu'on fait des actes d'obéissance, est-ce que cette chose-là rentre dans le shirk? Alors le cheikh, il a répondu à ce sujet-là et il a dit, le fait d'être ébloui par sa propre personne et par ses actions fait partie des grands péchés qui annulent la validité des œuvres et qui rendent les œuvres vaines. Mais ça ne fait pas partie du shirk. Fin de la réponse. Donc ici, ensuite, le cheikh, il explique le cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, il dit wal ash-shahidu min al-aya walladhina hum bi rabbihim la yushrikun. Il dit, qu'est-ce qu'on veut tirer de, ou qu'est-ce qu'on veut montrer dans ces versets-là? C'est surtout la partie du verset que le cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab a mentionné, hein, ceux qui, le verset, يعني الفيرسي دان سورة المؤمنون كان يدي والذين هم بربهم لا يشركون et ceux qui avec leur seigneur ne font pas de shirk. Le cheikh il s'est limité à mentionner cette partie du verset là, ou ce verset là seulement, en mentionnant uniquement cette caractéristique. Pourquoi? Parce que c'est l'explication de la purification du tawhid et d'être exempt de toute forme de shirk dans toutes ces catégories. Donc ça c'est très important. Naam. Ensuite il dit wal munafiqu. Donc c'est ça. On va s'arrêter ici inchallah pour aujourd'hui. Au prochain cours on continuera l'explication bi'idhnillah de ce verset et des autres versets qui ont été mentionnés aussi. Donc subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.